Douleur, par Clarissandre. Ô douleur, vilaine et sacrilège qui nous assiège, que rien ne piège, qui emplit les âmes de terreur, le souffle de torpeur, ôte la joie à nos cœurs, à nos espoirs la chaleur, à nos rêves la splendeur, à la vie ses couleurs, sa saveur, et pire, sa valeur. De ma voix contrainte, écoute la plainte et sa complainte. Du bras armé du Sauveur, je réclame grâce et prie que de guerre lasse, sa bonté t'enlace, sa pensée te tracasse, sa force te fracasse, son amour te terrasse. Ô douleur, quoi que tu fasses, qui que tu lasses, gueuse ténébreuse, orageuse, scandaleuse, crapuleuse, hideuse, tortueuse et oiseuse. À sa pitié, cache ta face, et qu'enfin, dans sa paix lumineuse, tu passes, casses et trépasses. Clarissandre, octobre 2021.